Voici votre bulletin régional. 21 février à 16h, carnaval d'hiver de la Maison des Jeunes Actimage. Activités et plaisirs d'hiver en collaboration avec la ville de Istinguis à la vieille gare du papier au 221 rue Saint-Jean-Ouest. En après-midi et en soirée, le musée d'Eaton Corner présente une pièce de théâtre basée sur des événements historiques de la région intitulée « Beyond Belief ». Cette pièce met en scène Bill McCollum, dit le Glassman. Personnage coloré qui pouvait enfoncer clous et punaises à travers le verre sans le fracasser. Billets en vente auprès du musée au coût de 10$. À Lingwick, les plaisirs d'hiver, ça se déroule le 21 février, de midi à 20h, au chalet de la patinoire. Au programme, sculpture sur neige, décoration de bonshommes de neige, tir sur la neige, traîneau à chien, hockey, glissade, raquette, patinage libre avec musique d'ambiance. Informations 877-5376 ou 877-3836. Plaisir d'hiver à Sayreville, rendez-vous au centre-ville le 21 février. À l'horaire, glissade, patinage libre, marche, promenade en traîneau, divers ateliers offerts par les jardins communautaires de Sayreville. Pour plus d'informations, 819-889-3196. Plaisir d'hiver également à Saint-Gérard le 21 février avec glissade, patin à glace, clown, feu de joie, tir sur la neige, prix de présence. Ça se déroule au terrain des loisirs de Saint-Gérard. Fête des semences le 21 février de 9 à 16 heures à l'hôtel Auberge de Sayreville. Conférences, ateliers et exposants. À Istinguis le 22 février, de 19 à 22 heures, partie de cartes au profit du Comité des loisirs des résidences du Haut-Saint-François, au 82 rue Grondin. Coût 3$. Bain et café servi en soirée. À Istinguis, le 23 février, début des cours d'informatique et de tablette au SADC du Haut-Saint-François. Information 819-832-2447.